le soleil brille. Et voir ce que vous allez voir. C'est bon, c'est sain, ça n'a pas de vice. Mes yeux brillent, mes yeux chantent. Les filles sont charmantes, que les mardis sont beaux. Quand on a un boulot. Il est 12h, on est tous à la cantine. La fille qui sert a la bonne mine. Ses seins brillent, ses yeux chantent. C'est une fille épatante. Les mercredis sont beaux. Quand on a un boulot. Il est 16h, ma journée est bien remplie. Je suis très utile à ma compagnie. Mon patron brille, le dollar flambe. Ma vie passionnante, que les jeudis sont beaux. Quand on a un boulot. Il est 20h, je suis rentré chez moi. Mes impôts sont payés, ma chérie vient là. La télé brille, et les pubs chantent. Ma vie réjouissante, les vendredis sont beaux. Les poils du boulet, les fardeaux. Les poils du boulet, les fardeaux. Les poils du boulet.